Le Comité brésilien pour la solidarité avec la République populaire démocratique de Corée a inséré le 26 avril dans son homepage d'Internet un article titré « L'attaque préemptive nucléaire n'est pas le monopole des États-Unis » avec une photo sur les exploits du maréchal Kim Jong-un dans sa direction du Sungun.